إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد On s'est arrêté hier à la parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala, concernant at-tawakkul, la confiance en Allah. On avait donné quelques annotations sur le vers du poème du shaykh, rahimahullah ta'ala, et on va maintenant lire l'explication qu'il en a, lui, fait de celui-ci. Il a dit, rahimahullah, يَكْمُلُ الْعَبْدُ فِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ وَهُمَا التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ وَالِجْتِهَادُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ. Il dit, le serviteur atteint la perfection par ces deux choses, qui sont la confiance en Allah et les efforts dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَتَخَلَّفُ عَنِ الْعَبْدِ الْكَمَالِ بِفَقْدِ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا. Et la perfection, elle manque au serviteur lorsqu'il perd l'une de ces deux choses. C'est-à-dire s'il perd sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala ou qu'il perd les efforts à fournir dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. فَحَقِيقَةُ التَّوَكُّلِ تَجْمَعُ أَمْرَيْنِ الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والثقة بالله فيعتمد على ربه بقلبه في جلب ما ينفعه في أمر دينه ودنياه فيبره من نفسه وحولها وقوتها ويثق بالله سبحانه وتعالى في حصول ما ينفعه ودفع ما يضره ويجتهد في الأسباب التي بها يتوصل إلى المطلوب. Il dit, رحمه الله, et la réalité de la confiance en Allah, la réalité de la confiance en Allah, elle réunit deux choses. Le fait de t'en remettre à Allah et avoir confiance en lui, subhanahu wa ta'ala. Et si la personne fait cela, il compte alors dans son cœur sur qui? Sur son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, afin d'obtenir ce qui lui est profitable dans sa religion et également dans sa vie d'ici-bas. Il omet donc sa propre personne ainsi que sa force et sa puissance. C'est-à-dire qu'il n'en s'en remet pas à lui-même, ni à sa force, ni à ses efforts personnels, mais il s'en remet à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a confiance en Allah dans l'obtention de ce qui lui est profitable ainsi que dans l'éloignement de ce qui lui est nuisible. Et il fait des efforts dans l'accomplissement des causes le menant à son but. Ensuite il dit, rahimahullah, وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا عَزَمَ عَلَى فِعْلِ عِبَادَةٍ بَذَلَ جُهْدَهُ فِي تَكْمِيلِهَا وَتَحْسِينِهَا وَلَا يُبْقِي مِنْ مَجْهُودِهِ مَقْدُورًا وَتَبَرَّ مِنَ النَّظَرِ إِلَى نَفْسِهِ وَقُوَّتِهَا بل لجها إلى ربه واعتمد عليه في تكميلها وأحسن الظن ووثق في حصول ما توكل به عليه. Il dit, et le détail à ce sujet, l'exposé de cela, est que lorsque le serviteur, il décide d'accomplir une adoration, il prodigue alors des efforts pour parfaire cette adoration et améliorer cette adoration. Cependant, il n'attache aucune considération à ses efforts. C'est-à-dire qu'il ne s'en remet pas à ses efforts. Il fait les efforts, lui, pour atteindre la perfection. Et il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne porte aucun regard vers sa personne et sa force, mais il s'oriente vers son Seigneur et compte sur lui, c'est-à-dire sur Allah subhanahu wa ta'ala, pour parfaire cette adoration, tout en ayant une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et en étant sûr d'obtenir ce pourquoi il a placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que le serviteur, il a la certitude, lorsqu'il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il fait des causes pour atteindre son but, il a une bonne pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala et il pense avec conviction certaine qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter afin d'atteindre son but. وَإِذَا عَزَمَ عَلَى تَرْكِ مَعْصِيَةٍ قَدْ دَعَتْهُ نَفْسُهُ إِلَيْهَا بَذَلَ جُهْدَهُ فِي الْأَسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لِتَرْكِهَا مِنَ التَّفَكُّرِ بِهَا وَصَرْفِ الْجَوَارِحِ عَنْهَا ثُمَّ اعْتَمَدَ عَلَى اللَّهِ ولجأ إليه في عصمته منها وأحسن الظن به في عصمته له فإنه إذا فعل ذلك في جميع ما يأتي ويذر رجي له الفلاح إن شاء الله تعالى. Il dit, lorsqu'il décide de délaisser une désobéissance, lorsque tu décides de délaisser un péché vers laquelle ton âme elle t'appelle un péché, mais tu décides et tu as la ferme volonté de délaisser ce péché, alors tu vas faire des efforts dans l'accomplissement des causes qui te permettent de délaisser ce péché. C'est-à-dire que tu vas t'éloigner de tout ce qui mène à ce péché également. Il dit comme le fait d'y réfléchir, c'est-à-dire de penser à ce péché. Il y a des personnes qui veulent délaisser le péché, mais ils y pensent toute la journée. Ou ils se mettent dans des situations qui le mène à commettre ce péché. Il dit il va détourner ses membres d'elle, c'est-à-dire il va s'éloigner corporellement des causes qui mènent à l'accomplissement de ce péché. Ensuite, il dit, puis il s'en remet à Allah et se réfugie auprès de lui afin qu'Allah le préserve de ce péché, tout en ayant une bonne opinion d'Allah quant au fait qu'il l'en préserve. Il dit, rahimahullah, si le serviteur agit ainsi, dans l'ensemble de ce qu'il fait et ce qu'il délaisse, alors on espère pour lui la réussite par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, wa amma man ista'ana billahi wa tawakkala alayhi ma tarkihi l'ijtihad al-lazim lah, fahada laysa bitawakkulin bal 'ajzun wa muhana. Il dit, quant à celui qui demande l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et place sa confiance en Allah tout en délaissant les efforts nécessaires. C'est-à-dire, il demande à Allah de lui faciliter, pour être assidu à la prière, de lui faciliter pour délaisser tel ou tel péché, mais il ne fait aucun effort pour atteindre ce but. Alors il dit, rahimahullah, ceci n'est pas de la confiance. Tu n'as pas, en réalité, pratiqué le tawakkul en faisant cela. Il dit, mais c'est plutôt de l'incapacité et de l'impuissance. Wallah al-musta'an. Ensuite, il dit, wa kadhalika, man yabdhulu ijtihadahu wa ya'tamidu 'ala nafsihi wa la yatawakkalu 'ala rabbihi. Il dit de la même manière, celui qui fait des efforts, c'est-à-dire il fait des efforts pour atteindre son but, mais il compte sur sa propre personne et ne place pas sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il pense que le simple fait qu'il fasse ses efforts, il va réussir à atteindre son but. Il dit alors celui-ci, il est livré à lui-même. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'abandonne à ses efforts. Il le livre à lui-même. Wallahu al-musta'an. Donc ceci concerne l'étape de la confiance en Allah, qui est une des plus grandes étapes pour celui qui souhaite cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala et atteindre son paradis. Ensuite, il dit, rahimahullah, عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوه في منزل الإحسان. Ils adorent Allah convaincus de sa présence. Ils ont ainsi accédé au degré de la bienfaisance. Donc ceci est un autre degré et une autre étape de celui qui souhaite cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'étape de la bienfaisance. C'est-à-dire qu'il fait partie de leur désir de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de leur concrétisation de leur servitude qu'ils vouent à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ont atteint ce degré qui est le plus haut degré de la religion. En effet, comme il est venu dans le hadith, Jibril alayhi salam, rapporté par Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, la religion, elle comporte trois degrés. Le premier degré, c'est le degré de l'islam, qui est représenté par les œuvres apparentes. Les cinq piliers de l'islam, l'attestation, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, la prière, la zakat, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage pour celui qui en a les capacités. Ceci est le premier degré de la religion. Le deuxième degré, c'est al-iman, qui est représenté par les œuvres du cœur, les œuvres liées à la croyance. Al-imanu billah, la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc celui qui atteint ce degré, il a réuni entre les œuvres apparentes et les œuvres cachées, les œuvres du cœur. Et le troisième degré, qui est le degré le plus haut, c'est le degré d'al-ihsan. C'est-à-dire que la personne, elle fait tout cela, elle a réuni entre l'islam et l'iman, tout en ressentant dans son cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe et a connaissance de l'ensemble de ses œuvres, qu'elles soient apparentes ou cachées. C'est-à-dire que dans tout ce qu'il fait, il a conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe. Il a conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance de toutes choses. Même tes secrets que tu caches au plus profond de ta poitrine. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. Il a connaissance des secrets, même les plus cachés. Ou même ce qui est encore plus caché que le secret. Les savants du tafsir ont dit dans l'explication de ce verset que ce qui est visé par les secrets, c'est tout ce que la personne garde dans son cœur. Les choses qu'elle ne prononce pas et qui sont dans son cœur, Allah subhanahu wa ta'ala, il en a connaissance. Car il a connaissance de toutes choses. Et lorsqu'il dit « wa akhfa », même les plus cachés ou ce qui est plus caché encore, cela désigne ce que la personne n'a même pas encore pensé dans son cœur. C'est-à-dire ce qu'il ne lui est même pas encore passé par la tête. Il n'y a même pas encore pensé. Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance qu'il va y penser, quand il va y penser, à quel moment, dans quelle situation, et il connaît les détails de tout cela, subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui souhaite atteindre le degré de la bienfaisance, qui est le degré le plus haut de la religion, il doit atteindre ce degré qui est de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe constamment. Il dit le Cheikh rahimahullah ta'ala en commentaire de cela, « هذه المنزلة يقال لها منزلة الإحسان وهي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله وحده كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Il dit ce degré, il est appelé le degré de la bienfaisance, qui est tel que l'a défini le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu adores Allah seul comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes lui te voit. Donc ceci est dans le hadith de Jibril alayhi salam auquel on a fait référence lorsque Jibril est venu interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'islam, de l'iman et de l'ihsan. Lorsqu'il l'a interrogé au sujet de l'ihsan, qui est traduit par la bienfaisance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors donné cette réponse. Il dit ensuite: فإذا تصور الإنسان هذا المقام في جميع أحواله لا سيما حال العبادة منعه من الالتفات بقلبه إلى غير ربه بل أقبل بكليته على الله سبحانه وتعالى وتوجه بقلبه إليه متأدبا في عبادته آتيا بجميع ما يكملها مجتنبا كل منقص لها. Il dit رحمه الله: si l'homme réalise cela, c'est-à-dire qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala comme s'il le voyait, et qu'il pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe et a connaissance de toutes choses. Si elle réalise cela dans chacune des situations, et surtout lors de l'adoration, lorsqu'il est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, cela l'empêchera de tourner son cœur vers autre que son Seigneur. C'est-à-dire que cela va l'aider à attacher son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il prie, s'il a conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance de ses faits et gestes, mais qu'il a connaissance également de ses pensées. Alors il va orienter son cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, lorsqu'on en est en prière, on est distrait par des choses qui nous préoccupent, parmi les choses de ce bas monde. Mais si la personne se rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a connaissance de tes pensées à ce moment-là, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas délaisser tes pensées et tu vas te diriger complètement vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il dit ensuite: il s'orientera plutôt entièrement vers son Seigneur et dirigera son cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala, adoptant un noble comportement lors de son adoration, accomplissant l'ensemble de ce qui la complète et délaissant tout ce qui l'affaiblit. C'est-à-dire que s'il a conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe, il va tout faire pour parfaire son adoration. À titre d'exemple, il ne convient pas de comparer Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Mais la personne, lorsqu'elle fait un travail et qu'elle a un patron, lorsque son patron est là, il travaille de la meilleure manière, car il sait que son patron l'observe. Alors que, lorsque le patron part et s'absente, il se peut qu'il soit quelque peu négligent, ou qu'il travaille moins sérieusement que lorsque son patron est là. De la même manière, on voit aujourd'hui, avec la multiplication des caméras de surveillance en tout lieu, lorsque la personne rentre dans un endroit où il y a une caméra de surveillance, il va faire plus attention à ses faits et gestes. Pourquoi? Car il sait qu'il est observé. Il est observé par d'autres créatures. Donc il fait attention à ce qu'il fait. Il sait qu'il est filmé. Alors la personne qui est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala et qui a réussi à atteindre ce degré de la religion qui est le degré de la bienfaisance, il agit de la même manière avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala, ou même mieux encore. Il a conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe à tout moment. Allah subhanahu wa ta'ala observe ses faits et gestes. Il entend ses paroles. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance de ses pensées et de ce qu'il cache dans son cœur. Donc, lorsqu'il va pratiquer les adorations, qu'il va mettre en pratique la prière, le jeûne ou tout autre parmi les œuvres par lesquelles on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire en sorte de les accomplir de la meilleure manière, en faisant tout ce qui lui permet d'atteindre la perfection et en délaissant tout ce qui l'affaiblit. Et en ce sens, il est rapporté de certains parmi les pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala, que si l'on disait à l'un d'entre eux qu'il allait mourir demain, tellement il avait concrétisé cette chose, concrétisé la bienfaisance, qu'il avait conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe à tout moment, si on lui annonçait qu'il allait mourir demain, il n'aurait rien pu rajouter à ses œuvres. Aujourd'hui, si l'un d'entre nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, mais qu'on lui annonce qu'il est atteint d'une maladie et qu'il va mourir dans quelques jours, il va essayer de tout faire pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah lui accorde la réussite, il va essayer de multiplier les bonnes œuvres pour se rapprocher d'Allah, se remettre en question, penser à ses péchés et ainsi de suite. Alors que certains parmi les salafs, rahimahumullah, tellement ils avaient concrétisé ce degré, que si on leur annonçait qu'ils mouraient, ils ne pouvaient rien rajouter. Ils faisaient déjà tout ce qui était en leur capacité. Tout ce qui était possible pour eux, ils le faisaient pour se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ مِنْ أَعْضَمِ الْمَنَازِلِ وَأَجَلِّهَا وَلَكِنَّهَا تَحْتَاجِ إِلَى تَدْرِجِ لِلنُّفُوسِ شَيْئًا فَشَيْئًا. Il dit, ce degré, C'est donc un des plus grands et des plus nobles degrés. Cependant, il nécessite d'avancer progressivement pour les âmes, petit à petit. C'est-à-dire que petit à petit, tu t'habitues à essayer d'atteindre ce degré qui est le plus haut degré de la religion. Il dit « Wala yazalul abdu yu'awidu nafsahu hatta tanjadiba ilayha wa ta'taduha faya'ishul abd qaril al-ayn bi rabbihi farhan masruran bi qurbihi » Il dit « Le serviteur, il ne cesse d'y habituer son âme, d'habituer son âme à avoir conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe, jusqu'à ce qu'elle soit attirée par ce degré et qu'elle s'y habitue. Le serviteur vivra alors réjoui par son Seigneur et heureux d'être proche de lui, subhanahu wa ta'ala. En effet, celui qui concrétise ce degré, il va ressentir la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, elle dit dans son noble livre, « Inna Allah ma'alladina attaqaw, walladina hum muhsinoun. » Allah est certes avec ceux qui le craignent avec piété, et il est avec ceux qui sont bienfaisants, c'est-à-dire ceux qui ont atteint le degré d'al-ihsan, le degré de la bienfaisance. Ils ont craint Allah avec piété, c'est-à-dire qu'ils se sont écartés des péchés, écartés des désobéissances, et ils ont été bienfaisants, c'est-à-dire dans leur adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils les ont accomplis de la meilleure manière et avec perfection. Et le fait qu'Allah est avec eux, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah ma'alladina attaqaw walladina hum muhsinoun » Certes, Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur accorder la réussite, la rectitude, la droiture, et il va leur accorder son aide, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que ceux-là, ils ont le soutien et la victoire de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'ils sont soutenus par Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils ont l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leurs œuvres, il n'y a pas de doute qu'ils feront partie des bienheureux par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, rahimahullah, « Nasahu al-khaliqata fi rida mahboubihim bil-ilmi wal-irshadi wal-ihsani » Il conseille les créatures à l'agrément de leur bien-aimé, c'est-à-dire à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la science, l'orientation et la bonté. Le bon conseil, cela fait partie des plus grands droits qu'ont les créatures vis-à-vis de toi. Et c'est la troisième cause parmi les causes pour que l'homme soit sauvé de la perdition. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surat al-Asr, « Wal asri innal insana lafi khusr » Par le temps, l'homme est certes en perdition. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure ici par le temps. Et Allah jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. Quant à nous, il ne nous est permis que de jurer par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il jure par le temps que l'homme, c'est-à-dire l'espèce humaine, l'ensemble des hommes, sont en perdition. C'est-à-dire qu'ils courent à leur perte. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait exception d'une catégorie de personnes qui se caractérisent par quatre immenses caractéristiques. Il a dit « Illa alladhina amanu » Sauf ceux qui croient. C'est-à-dire qui ont la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont concrétisé leur foi et que cette foi, elle a été prouvée par les œuvres, car il dit après « Wa amilu s-salihat » Et accomplissent des œuvres pieuses. C'est-à-dire des œuvres sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformes à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci sont les deux premières causes pour être sauvé de la perdition. La troisième cause, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Watawasaw bilhaq » et qui s'enjoignent mutuellement la vérité. C'est-à-dire qu'ils se portent mutuellement le conseil. Ils se conseillent, s'ordonnent le bien, s'interdisent le mal et s'enjoignent mutuellement le bien pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le bon conseil, le fait de se conseiller mutuellement, c'est une cause immense pour être sauvé de la perdition par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit « Watawasaw bis-sabr » et qui s'enjoignent mutuellement la patience. C'est-à-dire la patience sur la foi, la patience dans les œuvres pieuses et la patience dans le conseil mutuel. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit également ses serviteurs croyants en disant « Wal-mu'minuna wal-mu'minat ba'aduhum awliya'u ba'd » Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. C'est-à-dire dans leur amour mutuel, dans le soutien qu'ils s'apportent les uns les autres. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala « Ya'muruna bil-ma'ruf » Ils commandent le bien et interdisent le mal. Le bien, c'est tout ce qui est connu comme étant bon parmi les croyances et les œuvres pieuses, les comportements méritoires. Reconnu comme tel dans le Coran et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant au blâmable, c'est tout ce qui s'oppose au convenable. Parmi les choses mauvaises, les croyances fausses, les grands péchés et les petits péchés, ainsi que les comportements méprisables. Donc, Il fait partie des plus grandes caractéristiques des croyants qu'ils se commandent le bien et s'interdisent le mal mutuellement. Et médite sur le fait qu'ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par cela en décrivant les croyants. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasula ulaika sayarhamuhum Allah. Ils accomplissent la prière, ils s'acquittent de la zakat, ils obéissent à Allah et à son messager. Cela, Allah leur fera miséricorde. Tu vois que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait précéder le commandement du bien et l'interdiction du mal à la mention de la prière et de la zakat. Pourtant, on sait tous que la prière, c'est le plus grand pilier de l'islam après le tawhid. Donc pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait précéder cette caractéristique à celle de la prière? Les savants ont dit qu'il a mentionné le commandement du bien et l'interdiction du mal avant la prière et la zakat de par son importance. Car en réalité, si tu médites, la prière et la zakat, elles sont quoi? Elles sont le fruit du commandement du bien et de l'interdiction du mal. Car si personne ne commande le bien, si personne n'ordonne la prière, elle ne sera que très peu pratiquée. Donc la prière et la zakat, l'accomplissement de la prière et la zakat, elles sont le fruit du commandement du bien et de l'interdiction du mal. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait précéder à la mention de la prière et de la zakat. Ensuite, il dit en commentaire de cela, « هَذِهِ حَالُهُمْ مَعَ الْخَلْقِ أَقْمَلُ حَالٍ وَأَجَلُّهَا فَأَبْدُ لَهُمْ غَايَةَ النُّصْحِ وَأَحَبُّ لَهُمْ مَا أَحَبُّ لِأَنفُسِهِمْ مِنَ الْخَيْرِ وَكَرِهُ لَهُمْ مَا كَرِهُ لِأَنفُسِهِمْ مِنَ الشَّرِّ فَصَاعُوا فِي إِزَالَةِ الشَّرِّ عَنْهُمْ بِكُلِّ مُمْكِنٍ وَاجْتَهَدُوا فِي إِيصَالِ النَّفْعِ إِلَيْهِمْ بِكُلِّ مَقْدُورٍ. » Il dit, rahimahullah, telle est leur situation avec les créatures, c'est-à-dire ceux qui cheminent vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est la plus complète et la plus noble des situations. Il leur expose le meilleur des conseils, c'est-à-dire qu'ils portent conseil aux créatures. Ils aiment pour eux le bien qu'ils aiment pour leur propre personne. Et ceci fait partie de la concrétisation de la foi. Que tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun d'entre vous n'aura la foi, c'est-à-dire la foi complète, la foi parfaite, jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc il fait partie des caractéristiques de ceux qui cheminent vers Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'ils aiment le bien pour les autres comme ils l'aiment pour leur propre personne. Et ils réprouvent pour eux le mal, c'est-à-dire pour les autres, qu'ils réprouvent pour leur propre personne. Les choses qu'ils détestent pour eux-mêmes et qu'ils réprouvent, ils les réprouvent également pour les autres. C'est pour cela qu'ils conseillent les gens, qu'ils ordonnent le bien et qu'ils interdisent le mal. Ils s'efforcent d'écarter des gens le mal et de leur faire parvenir le bien autant que possible, et ce en leur commandant le convenable et leur interdisant le blâmable, en nourrissant l'affamé, en habillant le dévêtu, en secourant l'affligé, en instruisant l'ignorant, en réprimandant l'injuste, en soutenant l'opprimé, en supportant leur nuisance et en le préservant de leur nuisance. Donc ici, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a mentionné plusieurs exemples du bon conseil et du bien voulu pour les créatures. Il a dit « min amrihim bil ma'ruf », c'est-à-dire le commandement du bien, comme on l'a vu. « Wa nahihim anil munkar », l'interdiction du mal. Également, il dit « wa it'amu ja'i'ihim », le fait de nourrir l'affamé. Ceci fait partie des œuvres de bien qu'accomplissent ceux qui désirent le bien pour les créatures, ceux qui aiment pour les autres ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Il dit « wa kiswatu 'ariyihim », et le fait de vêtir celui qui n'a pas de vêtements. « Wa ighathatu malhufihim », en secourant l'affligé. « Wa ta'limu jahilihim », en enseignant à l'ignorant. En enseignant à l'ignorant ce qu'il ne sait pas. « Wa rad'u dhalimihim », et en réprimandant l'injuste. En réprimandant l'injuste, ceci est également une forme de bienfaisance envers les créatures. Aujourd'hui, il y a certaines personnes, lorsqu'ils font une injustice, qu'ils font quelque chose de blâmable, si tu les condamnes, les reprends, les orientes vers le bien, ils pensent que tu le veux leur mal. Alors que ceci est une des plus grandes formes de bienfaisance envers eux. Le fait que tu les blâmes et que tu les réprimandes pour leur injustice. Il dit « wa nasru madlumihim » et le fait de soutenir l'opprimé. Ceci est également une des formes de bienfaisance envers les créatures. Il dit « wa ihtimalu adahum » et en supportant leur nuisance. Également, ceci est une forme de bienfaisance envers les créatures. Une forme de bienfaisance envers tes frères, que tu supportes leur nuisance. Nous avons tous, ou plutôt nous faisons tous, des choses qui parfois peuvent nuire à nos frères, qui peuvent être nuisibles pour eux. Et on aimerait que lorsqu'on fait ces choses, ils patientent sur nos défauts. De la même manière, il fait partie de la bienfaisance envers tes frères que tu patientes sur leurs défauts et leurs nuisances. Et ceci est une cause pour maintenir la fraternité entre nous. Car si on ne patiente pas, Et que dès qu'un frère a un défaut, on le délaisse, alors la communauté sera divisée et éparpillée. Ainsi, pour maintenir l'union, on se doit de patienter les uns les autres sur nos défauts. Ensuite, il dit « وَكَفِّهِمْ أَذَا أَنفُسِهِمْ عَنْهُمْ » et en les préservant de leur nuisance. C'est-à-dire que tu patientes sur la nuisance de tes frères et toi, tu les préserves de ta nuisance. Tu fais en sorte de ne pas leur nuire. Ensuite, il dit « مَعَ هَذَا فَصُحْبَتُهُمْ لَهُمْ بِالظَّاهِرِ وَالْجِسْمِ » Il dit « Malgré cela, ils ne les accompagnent qu'en apparence par leur corps. » C'est-à-dire qu'ils font tous ces actes de bienfaisance envers leurs frères, mais malgré cela, ils ne sont présents en réalité que par leur corps. C'est pour cela qu'il dit après « صَحِبُ الْخَلَائِقَ بِالْجُسُومِ وَإِنَّمَا أَرْوَاحُهُمْ فِي مَنْزِلٍ فَوْقَانِ » Ils n'accompagnent les créatures qu'avec leur corps, tandis que leurs âmes sont dans une demeure supérieure. C'est-à-dire que leurs corps sont avec les gens. Ils sont présents avec les gens. Mais leur cœur, où sont-ils? Leur cœur, ils sont avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font pour les gens, ce n'est pas pour les gens en eux-mêmes. Mais en réalité, c'est seulement pour qui? C'est pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc des ambitions immenses, des ambitions éminentes et élevées. Et en faisant cela, ils vivent une vie qui n'est pas comme la vie de la majorité des gens. C'est-à-dire que malgré que leur corps soit présent dans ce bas monde, leur cœur est tellement attaché à Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils ressentent un délice en cela dans leur recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les choses de ce bas monde ne les distraient pas de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les désirs de leurs âmes, elles ne les distraient pas de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la réalité de l'ascétisme et de l'attachement à Allah subhanahu wa ta'ala. Que la personne elle ne se soucie pas de ce bas monde, mais que son cœur ne soit attaché qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qu'elle fait comme bien pour les créatures, elle recherche en cela l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, s'il fait du bien pour quelqu'un et que cette personne n'est pas reconnaissante, il ne s'en soucie pas. Il n'en a que faire. Peu importe que la personne le remercie ou non. Pourquoi? Car il ne recherche à travers cela que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, décrivant ses serviteurs croyants, dans sourate Al-Insan, « Innama nut'imukum liwajhi Allah, la nuridu minkum jaza'an wa la shukura. » Nous ne vous nourrissons que pour le visage d'Allah. C'est-à-dire, recherchant l'agrément d'Allah, recherchant à se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. « La nuridu minkum jaza'an wa la shukura. » Nous n'attendons de vous ni rétribution, ni remerciement. Tels sont les serviteurs croyants. Ils ne recherchent à travers leurs œuvres et leur bienfaisance envers les gens que l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait qu'ils recherchent ce qu'il y a auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ça leur a permis également de s'écarter des péchés et de s'écarter des désobéissances et également de l'injustice envers les gens. Et ceci fait partie des plus grandes étapes et des plus hauts degrés de ceux qui souhaitent être parmi les bienheureux dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'ils ne se soucient pas de ce qu'il y a auprès des gens, mais ils ne recherchent que ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et leur cœur n'est pas attaché à ce bas monde. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Mali walid dunya, qu'ai-je à faire de ce bas monde ?»« Innama ana ka rajulin istadhalla tahta shajaratin thumma tarakaha » Il dit « Je ne suis que comme un homme, c'est-à-dire un voyageur, est passé auprès d'un arbre et s'est mis à l'ombre de cet arbre et ensuite l'a délaissé. » Lorsque tu marches, parfois tu t'arrêtes à l'ombre d'un arbre, à l'ombre d'un mur, puis ensuite tu délaisses cette ombre et cet endroit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé cela à l'attachement à ce bas monde, c'est-à-dire qu'on n'y accorde aucune importance. Et tel était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur il dit rahimahullah, amma qulubuhum wa arwahuhum fa innaha tajulu hawla al-habib wa tatlubu min qurbihi a'zama nasib. Il dit quant à leur cœur et leurs âmes, ils tournent autour du bien-aimé, c'est-à-dire autour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils recherchent de sa proximité la plus grande part, c'est-à-dire qu'ils recherchent à être les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fataratan tankasiru bayna yaday wa takhsha'u wa takhda'u ladayhi wa tawran tashkuruhu bihubbihi wa tadullu alayhi liistihdari birrihi wa qurbihi thumma tamilu ila maradihi fatajtahidu fi ibadatihi wa tuhsinu ila makhluqatihi fahahulahi humun nas bal humul uqala al akyas wa la hawla wa la quwwata illa billah. Il dit, ils se rabaissent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font preuve d'humilité et de soumission, puis ils le remercient en l'aimant et se rappelant de sa bienfaisance et sa proximité subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que le serviteur pieux, il se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait preuve d'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, puis après son amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'amène à quoi ? À remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour lui avoir permis de s'être humilié devant lui et de s'être soumis à lui. Il dit, il penche ensuite vers son agrément, prodigue des efforts dans son adoration et font preuve de bienfaisance envers ses créatures. Tout cela pour rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, rahimahullah, ceux-là sont les vrais gens. C'est-à-dire, ce sont ceux qui ont compris le sens de ce bas monde et cheminent ainsi vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, ils sont même les doués de raison et d'intelligence et il n'y a de force et de puissance que par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, بالله دعوات الخلائق كلها خوفا على الإيمان من نقصان. Par Allah, ou plutôt pour Allah, toutes les invocations des créatures sont ayant peur pour la foi de sa diminution. C'est-à-dire que ceux qui cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont tellement attachés à Allah subhanahu wa ta'ala seul, en termes de désir et d'effroi, qu'ils ont peur que leur foi elle disparaisse à cause d'un péché ou à cause d'une négligence. Et ils ont peur de la diminution de la foi. Ils ne craignent pas la perte des biens de ce bas monde. Ils ne craignent pas la perte d'un proche. Ils ne craignent pas le fait de quitter leur pays, de quitter l'endroit auquel ils se sont habitués. Ils ne craignent pas la perte de leur notoriété, la perte de leur place, la perte de leur travail. Mais ce qu'ils craignent, c'est quoi ? C'est la diminution ou la perte de leur foi. Wal'iyadu billah. Et ce, car ils ont goûté à la réalité de la foi. Comme Anas, radiyallahu ta'ala anhu, l'a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith recueilli par l'imam muslim rahimahullahu ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. » Il y a trois choses, celui qui les obtient, il goûtera la douceur de la foi. Il a dit la première « Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. » Celui pour qui Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam sont plus aimés que tout autre qu'eux. C'est-à-dire que la personne, elle aime Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam plus que sa propre personne, plus que sa famille, plus que ses parents, plus que ses enfants, plus que ses proches et ainsi de suite. Il dit ensuite la deuxième, wa an yuhibb al-mar la yuhibbuhu illa lillah. Et lorsqu'il aime quelqu'un, il ne l'aime que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne l'aime pas parce que il est de sa famille. Il ne l'aime pas parce que il est de sa tribu. Il ne l'aime pas parce qu'il est de son quartier, de sa ville, ou qu'il le connaît depuis l'enfance. Mais il ne l'aime que pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que s'il voit que son comportement et ses œuvres, elles sont conformes à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, alors il aime cette personne. Mais si ses œuvres, elles sont en opposition à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, alors il n'aime pas cette personne. Et la troisième chose, qui est la raison pour laquelle on a mentionné ici ce hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yughdha fi an-nar. Et qu'il répugne, réprouve le fait de retourner dans la mécréance après qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'en ait sauvé, de la même manière qu'il réprouve le fait d'être jeté dans le feu. Et ceci revient à ce que l'on a dit quant au fait que la chose que craint le plus le serviteur croyant, celui qui a concrétisé la foi, c'est quoi ? C'est la diminution de sa foi ou la perte de celle-ci. Donc, celui dont telle est la situation, il n'y a pas de doute qu'il sera constamment dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il supportera toutes les difficultés dans le but d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là, ils ont compris que le paradis dans ce bas monde, c'est quoi ? C'est le fait d'obtenir la science bénéfique et de la mettre en pratique en accomplissant des œuvres pieuses, des œuvres sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformes à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant à l'enfer sur terre, il se trouve dans quoi ? Il se trouve dans le suivi des désirs interdits, dans le suivi des ambiguïtés, dans le fait de commettre des péchés, qu'ils soient petits ou grands, et ainsi de suite. Donc le serviteur croyant, il a peur de perdre sa foi ou de la voir diminuer et il demande sans cesse à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir sur sa religion, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté, d'après Salama radiyallahu ta'ala anha, que la chose, ou plutôt l'invocation, que faisait le plus souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était « Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. » « Oh Allah, toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. » Les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils sont étonnés que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il multiplie cette invocation. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a pardonné ses péchés, passés et futurs. Il lui a promis le plus haut degré du paradis. Alors il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Inna al-qulub, bayna uzbu'ayn min asabi'i ar-Rahman, yuqallibuha kayfasha. » Les cœurs, ils sont entre deux des doigts du tout miséricordieux. Et il les retourne comme il veut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alhamdulillah, tu es sur l'islam. Tu suis la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tu es assidu dans tes prières à la mosquée. Tu fais en sorte de t'écarter des grands péchés. Mais tu ne sais pas si ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé, est-ce qu'il va perdurer ou non? C'est pour cela que tu dois faire des efforts pour préserver ce bienfait et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te raffermir sur celui-ci. Et certes, il fait partie des invocations des pieux qu'ils disent « Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana »« Oh Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. » Le cheikh il dit, rahimahullah, « Hadi manzilatu al-ri'aya li haqa'iq al-iman wa mashahid al-ihsan » وذلك أن العبد لا ينبغي له أن يعرض عن تدبر أحواله والتفكر في نقص أعماله. Il dit ce degré, c'est celui de la préservation des réalités de la foi et des aspects de la bienfaisance. En effet, il ne convient pas au serviteur de se détourner de la méditation sur ses états, c'est-à-dire sur son propre état. Sans cesse, il doit méditer sur sa situation. Il dit qu'il doit méditer également sur le manquement dans ses œuvres, le fait qu'il n'en fait pas assez pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, بَلْ يَبْذُلُ جُهْدَهُ قَبْلَ الْعَمَلِ. Il doit plutôt faire des efforts avant l'œuvre. C'est-à-dire avant l'œuvre, je fais des efforts pour accomplir cette œuvre de la meilleure manière. Il dit ensuite, وَفِي نَفْسِ الْعَمَلِ وَتَصْحِيحِهِ وَتَحْسِينِهِ. Et même pendant l'œuvre, en la corrigeant et l'améliorant. Lorsque tu es en train de faire cette œuvre qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais tout pour l'accomplir de la meilleure manière. Ensuite, il dit, ثم يصونه من المفسدات وينزهه عن المنغصات فإن حفظ العمل أعظم من العمل. Il dit ensuite, il la préserve, c'est-à-dire l'œuvre, des choses pouvant la corrompre. Il la purifie des choses pouvant la troubler. Et la préservation de l'œuvre est certes plus immense que l'œuvre en elle-même. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu fais des efforts pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour prier par exemple. Ensuite, lorsque tu pries, au moment de la prière, tu dois faire des efforts pour améliorer cette prière et la parfaire. Et une fois que tu as terminé cette prière, tu dois prendre garde à ne rien faire qui pourrait annuler cette prière ou la corrompre. Ensuite, il dit, pour expliquer cela, rahimahullah, فَكُلَّمَا ازْدَادَ الْعَبْدُ رِعَايَةَ لِعَمَلِهِ وَاجْتِهَادًا فِيهِ ازْدَادَ إِمَانُهُ وَكُلَّمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ نَقَصَ مِنْ إِمَانِهِ بِحَسَبِهِ. Il dit, rahimahullah, et plus le serviteur, il fait des efforts dans cela, c'est-à-dire il préserve son œuvre, il prodigue des efforts pour cela. Plus sa foi augmentera, de même que la foi diminue en fonction de la diminution de cela. C'est-à-dire que ces deux choses sont liées. Plus la personne elle va faire des efforts pour préserver ses œuvres, plus sa foi va augmenter. Et moins il va faire des efforts dans cela, plus sa foi risque de diminuer en fonction de cela. Il dit « وَمِنْ أَعْضَمِ مَا يَنْبَرِ مُرَاعَتَهُ فِي الْعَمَلِ مَشْهَدُ الْإِحْسَانِ وهو الحرص على إيقاع العبادة بحضور قلب وجمعيته على الله سبحانه وتعالى وكذلك مراعاة منة الله سبحانه وتعالى على العبد وأنه ينبغي له أن يشكر الله على توفيقه لذلك العمل أعظم شكر. Il dit, rahimahullah, et la chose la plus importante qu'il convient d'observer dans l'œuvre est l'aspect de la bienfaisance, comme on a dit à l'ihsan, qui consiste à veiller à accomplir l'adoration avec présence du cœur en le réunissant pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que lorsque tu accomplis l'adoration, tu te concentres, ton cœur est présent et tu n'es pas distrait. Et ceci fait partie des choses les plus importantes. Il dit aussi, il observe aussi la faveur d'Allah sur lui-même, c'est-à-dire sur le serviteur. Il lui convient certes de remercier grandement Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a accordé la réussite dans cette œuvre. C'est-à-dire lorsque tu as accompli l'œuvre, tu te rends compte que ceci est une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Lorsque tu viens à la mosquée, tu sais qu'il y a de nombreux musulmans qui ne sont pas présents à cette prière. Et tu ne dois pas penser que c'est grâce à tes efforts que tu es ici. Mais c'est une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordée. Si Allah aurait voulu, tu serais comme eux, plongé dans des distractions, des choses futiles ou interdites, et tu ne serais pas venu faire cette prière. Mais Allah subhanahu wa ta'ala t'a favorisé sur ses autres serviteurs, et il t'a permis de venir accomplir cette prière. Il dit également وَكَذَلِكَ مُرَاعَةُ الْخَوْفِ وَالرَّجَى يَخَافُ مِنْ رَدِّهَا بِعُجْبٍ وَرِيَاءٍ وَتَكَبُّرٍ بِهَا وَعَدَمِ قِيَامِ بِحَقِّهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ. Il dit également, il observe la crainte et l'espoir. Il craint que son adoration soit rejetée à cause de la vanité, à cause de l'ostentation, ou à cause de l'orgueil dans celle-ci, ou bien à cause du non-accomplissement du droit de cette adoration ou autre. C'est-à-dire que tu ne l'es pas accompli correctement. Donc le serviteur, il craint cela après avoir accompli l'œuvre. Il dit « وَيَرْجُ قَبُولَهَا بِرَحْمَةِ رَبِّهِ وَمَنِّهِ وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهِ الَّذِي مِنْ جُمْلَتِهِ تَوْفِقُهُ لَهَا » Et également, il espère l'acceptation de son œuvre par la miséricorde de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Sa faveur et sa bienfaisance envers lui et fait partie de la bienfaisance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, envers le serviteur qui lui est accordé la réussite dans l'accomplissement de cette adoration. Ensuite, il dit, rahimahullah, « عَزَفُ الْقُلُوبِ عَنِ الشَّوَاغِلِ كُلِّهَا قَدْ فَرَّغُوهَا مِنْ سِوَى الرَّحْمَانِ » Il dit, rahimahullah, « De toutes les préoccupations, les cœurs, ils ont détaché, et de tout autre que le tout miséricordieux, ils les ont vidés. » C'est-à-dire que leurs cœurs sont liés et attachés à Allah, subhanahu wa ta'ala, de sorte qu'il n'y a dans leur cœur plus rien pour autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit, rahimahullah, « Aïe, فرغوا قلوبهم عن جميع ما يشغل عن الله ويبعد عن رضاه وهذا حقيقة الزهد. Il dit, rahimahullah, c'est-à-dire qu'ils ont vidé leur cœur de tout ce qui détourne d'Allah et éloigne de son agrément, et ceci est la réalité de l'ascétisme. Donc l'ascétisme, c'est que le cœur de la personne, il ne soit pas attaché à une chose qui va l'éloigner de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est plutôt attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'ascétisme, c'est le fait que la personne, elle délaisse tout ce qui n'est pas profitable. Tout ce qui n'est pas utile et profitable, il le délaisse. Et il délaisse également tout ce qui est nuisible, que ce soit ici-bas ou bien dans l'au-delà. C'est pour cela que l'ascétisme, ce n'est pas, comme le comprennent certaines personnes, le fait de délaisser ce qui est profitable dans ce bas-monde, parmi les biens de ce bas-monde. Il y a certaines personnes qui pensent que pour être ascète, il faut être pauvre et délaisser les biens de ce bas-monde. Alors que ceci n'est pas la réalité de l'ascétisme. Il est plutôt légiféré pour le serviteur d'utiliser les biens dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait grâce afin de s'en servir pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci ne s'oppose pas à l'ascétisme. Au contraire, l'ascétisme, c'est que le serviteur, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde de ses bienfaits, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala le prive de certains de ses bienfaits, il patiente sur cette privation. C'est cela l'ascétisme. C'est-à-dire que son cœur, il n'est pas attaché aux biens de ce bas monde. S'il les a, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il ne les a pas, il patiente. Et comme l'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, selon le sens de sa parole, l'ascétisme, c'est que les biens de ce bas monde, ils ne soient pas dans ton cœur, même s'ils sont dans ta main. C'est-à-dire même si tu possèdes l'ensemble des biens de ce bas monde, mais que ton cœur n'est pas attaché à ceci, alors tu as concrétisé l'ascétisme. Et inversement, il se peut qu'une personne, elle ne possède rien de ce bas-monde. Que ce soit la plus pauvre des personnes, mais que son cœur est attaché aux biens de ce bas-monde. Elle désire les biens de ce bas-monde. Celle-ci, elle n'a pas concrétisé l'ascétisme, même si elle ne possède rien de ce bas-monde. Ensuite, il dit, rahimahullah, « حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان » Leurs mouvements, leurs préoccupations et leurs résolutions sont pour Allah et non pour le diable et la création. C'est-à-dire que les serviteurs qui cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'ils font, que ce soit leurs actes, leurs pensées, leurs désirs, leur volonté, tout cela est voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, rahimahullah, لا يكفي هذا التفريغ حتى يمتلئ القلب من الافكار النافعه والعزوم الصادقه فتكون افكار العبد في كل ما يقرب الى الرحمن من تصور علم وتدبر قران وذكر الله بحضور قلب وتفكر في عبادة وإحسان وخوف من زلة وعصيان وتأمل لصفات الرحمن وتنزيهه عن جميع العيوب والنقصان وتفكر في القبر وأحواله ويوم القيامة وأهواله وفي الجنة ونعيمها والنار وجحيمها. Il dit, rahimahullah, cependant, ceci ne suffit pas, c'est-à-dire de vider ton cœur de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, ceci ne suffit pas jusqu'à ce que le cœur se remplisse de pensées bénéfiques. C'est-à-dire que tu vides ton cœur de tout ce qui est nuisible et tu le remplis de pensées bénéfiques et de résolutions véridiques. Il dit les pensées du serviteur, elles doivent être orientées vers tout ce qui rapproche du tout miséricordieux. Tout ce qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois en remplir ton cœur et y penser constamment. Comme le fait d'obtenir une science, de méditer sur le Coran, de te rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala avec présence du cœur, de réfléchir sur l'adoration et la bienfaisance, ainsi que d'avoir peur d'une faute et d'une désobéissance. Donc sans cesse, le serviteur dans ses pensées, il doit réfléchir à une chose qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et également à s'écarter de ce qui l'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les péchés et les désobéissances. Également, il dit parmi les choses profitables, il y a la méditation sur les attributs du tout miséricordieux subhanahu wa ta'ala et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est purifié de tout manque et défaut. Ceci fait partie des choses profitables pour le serviteur qui font partie des causes pour augmenter sa foi. Il dit également la réflexion sur la tombe et ce qui s'y passe. Tu penses au moment où tu te retrouveras dans la tombe, que les anges viendront t'interroger sur ton Seigneur, sur ton prophète, sur ta religion. Tu dois penser à ta situation à ce moment-là. Ici-bas, c'est facile de répondre lorsqu'on te demande qui est ton Seigneur. Allah est mon Seigneur. Qui est ton prophète? Mohammed est mon prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est ta religion? Ma religion est l'islam. Mais lorsque tu seras dans ta tombe, ce n'est pas seulement avec ta langue que tu vas répondre. C'est en fonction de tes œuvres. Est-ce que tu as concrétisé ta servitude à ton Seigneur pour dire qu'Allah est ton Seigneur? Est-ce que tu as concrétisé le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour dire que Mohammed est ton prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et est-ce que tu as mis en pratique la religion de l'islam comme il se doit pour dire que la religion de l'islam est ta religion? Donc le serviteur, il réfléchit à cela et il se remet en question. Également, il dit, rahimahullah, et il réfléchit sur le jour de la résurrection et ses frayeurs. Comme on a parlé dans d'autres cours, la traversée du pont, la pesée des œuvres. Lorsqu'il sera interrogé par Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de ses œuvres, tu dois penser à ces moments-là tant que tu es encore en vie. C'est-à-dire que tu te demandes des comptes avant que les comptes ne te soient demandés. Et également, il pense au paradis et à ses délices. C'est-à-dire qu'il est toujours entre la peur et l'espoir. Il pense au paradis et à ses délices et ceci l'encourage à multiplier les œuvres de bien pour atteindre ce paradis, pour pouvoir entrer dans ce paradis. Et il pense à l'enfer et ses supplices, et ce, afin de s'écarter des œuvres de mal qui mènent à l'enfer. Ensuite, il dit, rahimahullah, فَأَفْكَارُهُمْ حَائِمَةٌ حَوْلَ هَذِهِ الْأُمُورِ مُتَنَزِّهَةٌ عَنْ دَنِيَاتِ الْأُمُورِ وَالتَّفَكُّرِ بِمَا لَا يُجْدِي عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا الْهَمَّ وَالْوَبَالِ وَتَضْيِيعَ الْوَقْتِ وَتَشْتِيتَ الْبَالِ غَيْرِ نَافِعٍ لِلْعَبْدِ فِي الْحَالِ وَالْمَآلِ. Il dit donc leur pensée, elle tourne autour de ces choses, c'est-à-dire autour de tout ce qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, les attributs d'Allah, également les pensées liées à l'au-delà. Et il dit, elles sont exemptées de toute affaire vile et de réflexion sur ce qui n'apporte à son auteur que chagrin, malheur, perte de temps et dispersion de l'esprit, ce qui n'est pas bénéfique pour le serviteur, ni au moment présent, ni à l'avenir dans l'au-delà. Parfois la personne, elle pense à des choses qui sont inutiles. Il y a des pensées qui viennent dans ta tête. Elles ne te mènent à rien, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. C'est des choses futiles. Et parfois, tu vas réfléchir dessus pendant 30 minutes ou une heure. Lorsque tu es en voyage, que tu es seul, tu penses à des choses qui ne t'apportent aucun profit. Lorsque ceci vient, tu cherches refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vides ton cœur et ton esprit de ces pensées. Et tu occupes ton esprit par des pensées qui sont bénéfiques. Des choses qui vont te rapprocher d'Allah, bi'idhnillahi ta'ala. Enfin, il dit, rahimahullah, نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. Quel bon compagnon pour celui cherchant les sentiers qui mènent à la bienfaisance et au bienfait. Celui qui médite sur les différentes étapes et les différentes caractéristiques de ceux qui cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala, que l'on a vu à travers la lecture de ce poème et de son explication. Il se rend compte des manquements qu'il y a en sa personne. Il se rend compte qu'il est négligent vis-à-vis des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se rend compte qu'il a de nombreux manquements vis-à-vis des droits que son Créateur subhanahu wa ta'ala a sur lui. Cependant, malgré cela, il ne perd pas espoir. Et chacun d'entre nous va multiplier les efforts afin d'essayer de concrétiser autant que possible ces différentes étapes afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'atteindre, bi'idhnillahi ta'ala, le paradis. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi les habitants du paradis. Amin. Cependant, il faut savoir que pour te permettre de cheminer sur cette route, il te convient également de choisir des bons compagnons. Des gens qui vont t'aider à rester sur ce chemin et qui ont le même objectif que toi, qui cherchent à cheminer vers Allah, à concrétiser ces différentes étapes. C'est pour cela que le Cheikh rahimahullah, il dit « Quel bon compagnon pour celui cherchant les sentiers qui mènent à la bienfaisance et au bienfait. » C'est-à-dire que si toi tu as des manquements, mais qu'il y a dans ton entourage une personne qui a concrétisé certaines de ces étapes, alors prends-le pour compagnon. Cherche à te rapprocher de lui, accroche-toi à lui et entraidez-vous dans le bien et dans le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit, rahimahullah, فَهَهُلَهِ هُمُ الَّذِينَ يَسْعَدُ بِهِمْ رَفِيقُهُمْ إِذَا اَقْتَدَى بِسُلُوكِ سَيْرِهِمْ فَرِيقُهُمْ. Il dit, ceux-là sont ceux dont les compagnons sont bienheureux, si leur groupe les prend pour exemple dans le suivi, dans leur cheminement. C'est-à-dire celui qui a rempli, qui a concrétisé ses étapes, qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière, alors celui qui lui tient compagnie, il n'y a pas de doute qu'il sera heureux. Il ne fera que profiter de lui. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet du bon compagnon, le comparant au vendeur de musc. Si tu ne lui achètes pas de parfum, tu ressortiras au moins de chez lui avec une bonne odeur. Donc, celui qui tient compagnie à ces gens-là, il n'y a pas de doute qu'il sera parmi les bienheureux. Et si tu n'arrives pas à atteindre ses objectifs, à concrétiser ses étapes, il n'y a pas de doute que chacun de nous est conscient de ses manquements. Tu dois te rappeler de la bonne nouvelle qu'a annoncé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un des compagnons radiyallahu ta'ala anhum lorsqu'il est venu l'interroger. Et il lui a dit, Ya Rasulallah, كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ. Ô messager d'Allah, que penses-tu d'un homme qui aime des gens mais qui n'a pas atteint leur niveau? C'est-à-dire, il aime les pieux, mais il n'a pas réussi à atteindre le niveau des pieux. Il aime les savants, mais il n'a pas atteint le rang des savants. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, Al-mar'u ma'a man ahab. L'homme sera avec ceux qu'il aime. C'est-à-dire qu'il sera avec ceux qu'il aime au jour de la résurrection. Et dans les deux recueils authentiques, il est rapporté de Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhum, qu'un homme a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'heure. Il lui a dit, Matassa'a, quand viendra l'heure? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui a pas répondu à cette question, mais il l'a orienté vers une chose qui est plus profitable que cela. Et il lui a dit, وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا. Et qu'as-tu préparé pour celle-ci? Qu'as-tu préparé pour le moment de l'heure? Alors l'homme lui a dit, لَا شَيْءَ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Rien, si ce n'est que j'aime Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu, أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. Tu seras avec ceux que tu as aimés. Anas, radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a entendu cette parole, il a dit, فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ كَمَا فَرِحْنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. Nous n'avons pas été heureux et joyeux pour une chose, comme nous avons été heureux de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu seras avec ceux que tu as aimés. Anas radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرْ وَأَرْجُ أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّ إِيَّاهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ. Il dit, et moi, j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr, et Umar, et j'espère être avec eux par mon amour que je leur porte, même si je n'ai pas mis en pratique leurs œuvres. Il n'y a pas de doute qu'il n'y a personne parmi nous qui peut atteindre le rang des compagnons, radiyallahu ta'ala, anhum, en termes d'œuvres. Nul parmi nous ne peut atteindre le rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam en termes d'œuvres et d'adoration qu'il vouait à son Seigneur. Cependant, il nous incombe d'aimer les gens pieux, d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'aimer Abu Bakr, d'aimer Omar, d'aimer l'ensemble des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'aimer les imams de l'islam, d'aimer les savants de notre époque, les savants de la sunna, et de chercher à emprunter le chemin de ces gens qui cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, il est important de souligner une chose que l'on a rappelée au début de la lecture de ce poème, c'est que l'amour seul, ou plutôt la prétention de l'amour seul, elle ne suffit pas. Mais l'amour des gens pieux, il nécessite que tu prennes pour modèle ces gens pieux et que tu les suives dans leurs œuvres selon tes capacités, autant que tu peux. Comme on a vu dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ » Dis, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. C'est-à-dire que ton amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ton amour pour les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, il doit te pousser à faire des efforts pour emprunter leur chemin et les suivre autant que tu peux dans les bonnes œuvres. Ensuite, il dit, rahimahullahu ta'ala, « Hahoulahi alladhina أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله أن يهدينا طريقهم إذ أنعم عليهم بصدق إيمانهم وتحقيقهم. Il dit cela, ce sont ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de lui demander de nous guider sur leur voie, car ils sont ceux qu'il a comblés de ses bienfaits par la véracité de leur foi et la concrétisation de leur foi. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné dans chacune unité de nos prières de nous guider comment ? Sur le chemin de ceux qu'il a comblés de ses faveurs. Ihdinas sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Quel est ce droit chemin ? Celui duquel on vient de parler et d'évoquer les différentes étapes. Sirat al-ladina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Et qui sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses faveurs ? Il dit dans Surat al-Nisa, au verset 69, que ceux qu'il a comblés de ses faveurs sont al-Nabiyyin, wa-Siddiqin, wa-Shuhadahi wa-Salihin, وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Ce sont les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que cela. Donc le Shir, rahimahullah ta'ala, il termine cet ouvrage en disant فَنَسَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَهْدِيَنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا وَأَنْ يُجَنِّبَنَا طُرُقَ الْغَضَبِ وَالضَّلَالِ الْمُوسِلَ إلى الخزي والوبال إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين آمين. Il dit, nous demandons donc à Allah de nous guider sur le droit chemin, le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, et quel bon compagnon que cela. Il dit, nous lui demandons de nous écarter des voies de la colère et de l'égarement qui conduisent à l'avilissement et au malheur. Il est certes le plus généreux des généreux et le plus miséricordieux des miséricordieux. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a lu, dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ces assises une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre, comme je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à multiplier les efforts afin de concrétiser ces différentes étapes qui nous permettent de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala et d'entrer au paradis. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا